Qu'est-il de plus important ? Le plus important. Ou avoir ? Qu'est-il de plus important ? Être ou avoir ? Chacun, être. De tout temps, essaie de concilier ces deux modes d'existence et de les conjuguer comme il peut. Être ou avoir ? Qui n'a jamais menti ? Voler, éprouver quelque colère ou révolte, enfreint le code de la route ou pénal, ou au moins rêver, imaginer, désirer le faire. Celui qui ne se reconnaîtrait pas dans ses ardeurs, ses passions, ses hauteurs et ses bassesses, ses raisons et ses torts, serait un saint ou un fourbe, ce qui est d'égale valeur. Et ce récit, ces mots ne peuvent l'intéresser. Je parle au genre humain et non au surnaturel. Ce genre qui fait les individus pétris de fautes, d'erreurs, de ces êtres si beaux, si vils dans leurs imperfections, qu'ils traduisent la preuve de leur perfectibilité. J'accuse l'homme d'avoir fait du loup son chien et de l'homme son esclave. J'accuse l'homme d'être prédateur de toutes les espèces, végétales et animales, et de la sienne en particulier. Je vous accuse en m'accusant d'être ce que nous sommes, mais critique cependant ce qui nous autorise à être différents. Debout, homme de la terre, devenez enfin ou encore ce que vous êtes, des hommes. Alors que la machine cherche en permanence à inventer de nouveaux besoins pour épancher sa propre soif d'argent et de pouvoir, on constate aujourd'hui, dans les mouvements sociaux qui voient le jour, les apatistas, les sans-terres, les mouvements d'altermondialisation, la volonté de réinventer ces richesses que sont les liens humains de toutes sortes et se délivrer, par une simplicité volontaire, des objets que nos vies traînent, comme des chaînes. Chuter encore et repartir. Repousser les limites. Lutter contre l'étroitesse de l'ordinaire. Refuser d'être à l'étroit d'un corps qui se défend, se rétracte et abandonne. Se moquer de la blessure et de la cicatrice, des coups et des bosses. Chuter encore et repartir. Refuser d'être dans l'exiguïté du convenu, de la torpeur. Traquer l'engourdissement et la léthargie. Quitter l'état stable, vite. Chuter encore et repartir. Mise en mouvement, insubordination, course effrénée à perdre haleine, à gagner le souffle. Lui ou elle, parti depuis longtemps déjà, et pourtant toujours au commencement. Dans notre souhait d'universaliser des questions d'aujourd'hui, le texte « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent », écrit en 1848, fait résonner 160 ans plus tard la constance de la lutte. Des écrits actuels, articulés autour d'extraits de Victor Hugo, parcourent cette expérience comme autant de miroirs à réfléchir. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui, d'un haut destin, gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, vivent. Les autres, je les plains. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule. Car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Car de son vague ennui, le néant les enivre, et le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être, en ne pensant pas. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.